tous et à toutes, voici le retour avec l'accordéon jusqu'à 16h. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée et ainsi que vous allez continuer de passer l'après-midi aussi bien avec l'accordéon. Voilà donc, eh bien, la musique est toujours présente pour vous faire plaisir et tout oublier, tout simplement, vos soucis, mais l'accordéon, et vous, soucis, pam, vous faites toujours du plaisir pour vous. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, on va débuter tout simplement la musique avec l'accordéon, avec la Paloma Blanca, et puis juste après, un peu de musette. Donc, eh bien, juste après, de la valse. la Laguette Disco et puis juste après le Zouk.

style de musique, voici la valse. Voici le Madison. Yes.

souvenez-vous de mon histoire. Moi je vous dis bonsoir. Un petit bonjour à Monique, voici donc du Passo. voici donc la musette et puis juste après le tour de la guinguette. La gaguette et puis juste après je mènerai du côté du Mexique. We'll be right back. Et voici donc deux valses différentes, et c'est pour Monique. Voici la valse. Thank you.

Paris melun, en maillot de couleur et casquette à fleurs. Sur nos gros vélos, on a tous l'air de vrais coureurs. Au début c'est dur, on pense l'allure. Petit à petit la vie fait place à la nature. Le nez conquillon, mon Dieu que c'est bon. On nous applaudit car on est de la reine de champion. Nous on fait du vélo. Y'a rien de tel quand on s'éclate à bicyclette. Nous on fait du vélo. Ça fait du bien quand on avale des kilomètres. Nous on fait du vélo. On a du lion et du tonus dans les tempêtes. Pour décompter si grand le compteur est à zéro. Nous on fait du vélo. Quand vers les midis, on s'est arrêté pour boire un coup ou deux et pour saucissonner. On l'a vu passer sur des vélos bleus, des jeunes filles sympas qui roulaient à la queue leu leu. Sans faire de chiquet, on les a appelés. Un quart d'heure après, on révisait leurs pédaliers. Quand on est rentré ensemble à Paris, on a fait la course en sifflant comme des Canaries. Nous, on fait du vélo. Y'a rien de tel quand on s'éclate à bicyclette. Nous, on fait du vélo. Ça fait du bien quand on avale des kilomètres. Nous, on fait du vélo. On a du lion et du tonus dans les gorgettes. Pour découper ses gants, le compteur est à zéro. Nous, on fait du vélo. Voyez mes petits anneaux, nous on fait du vélo. C'est bon pour le moral et c'est bon pour le dos. Ça dépense, c'est super pour la forme et le stress. Ça fait des beaux mollets, une vraie cure de jeunesse. Quand les semaines finies, au lieu de vous coucher, prenez la bicyclette, venez nous retrouver. Pour dépasser l'auto, le bus et les taxis, il faut faire du vélo et avancer dans la vie. Nous, on fait du vélo. Y'a rien de tel quand on s'éclate la bicyclette. Nous, on fait du vélo. Bonjour à Geneviève, voici donc deux morceaux, Jean-Désiré Bailly, puis juste après Marc Pascal. Donc un bonjour Geneviève. Tant de fleurs, il lui dit un bonjour. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'offre le bonheur pour toujours.

Voici le country. Le Passo et puis suivi du Madison. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est aussi ça? Et puis donc après l'autre morceau de Manisane qu'on écoute, ce sera du côté du Berry. Les filles leurs belles robes et leurs plus jolies bas. Sur la place du village, ils dansent la bourrée pour fêter le passage à la Saint-Jean d'été. Il y a du soleil sur le Berry, c'est magnifique. Il y a du soleil sur mon pays, de la musique. Tout au long des quatre saisons, au fond de nos forêts. Les chiens sont à la trace, à courir le gibier. Ce soir autour de la table, on va se régaler d'un sancerre formidable et d'un lièvre encivé. C'est du côté donc toujours du Berry, et puis juste après, on a fait un petit tour de la montagne. On est très flonflon, il nous fait vibrer à chaque fois. Pour lui, nous sortons. C'est bien lui le roi. On trouve les copains. On est toute une bande d'amis fidèles. Tous ensemble, on est vraiment bien. Il nous rend la vie bien plus belle. Nous avons tous en commun la même chose. C'est notre amour de l'accordéon. Et parfois quand on est d'humeur morose, il est là pour mettre tout le monde d'accord. Dès qu'il nous joue quelques notes, c'est parti. Comme toujours, c'est bien lui le plus fort.

Voici donc la tarentelle et puis juste après deux morceaux de valse. connue, celle qui devait être mon amour éperdu. Violette des montagnes, vous resterez toujours, mais plus douce compagne, le lien. Dans un petit bistrot de banlieue parisienne, il y avait le barman de Thiénou. Le barman versait quelques verres de Thiénou, il tournait une valse bien de chez nous. C'est la valse à Thiénou de chez nous. Quand il joue, on est joue contre joue. Que c'est bon de valser comme des fous. C'est charmant de danser entre nous. Il la joue dans les bals et les fêtes, accompagné par Bravo Musette. On écoute les chansons, les fanfarons, on frissonne devant Panoréon. Charmant de danser entre nous. Il la joue dans les bals et les fêtes, accompagné par Bravo Musette. On écoute les chansons, les flanflons, on frissonne devant l'accordéon. Cette place qu'on écoute à Brigade, mais aussi dans les guinguettes des bords de Marne. C'était un voyager, il est arrivé de Pigalle à Paris dans le Berry. C'est la valse à Thiénou de chez nous. Quand il joue, on est joue contre joue. Tout c'est bon de valser comme des fous. C'est charmant de danser entre nous. Il a joue dans les balles et les fêtes, accompagné par Bravo Musette. On écoute les chansons, les flancons, on se sonne devant l'accordéon. Un morceau, la fiesta. si on a pu entendre un morceau de ce titre là avec Paloma Blanca, et on va essayer un autre morceau d'un autre artiste de l'accordéoniste. classiques des refrains qui font aujourd'hui de très belles histoires qu'on chante entre copains. On reprend encore tout de Dalida, Flo-Flo est toujours là. C'est la frénésie et on n'oublie pas la bien jolie Sheila. Venez tous danser avec nous le disco, c'est bien la plus belle danse, c'est le disco show. Et on se souvient bien de John Travolta qui se déhanchait sur ce rythme sympa. Venez tout danser avec nous le disco, car la plus belle danse c'est du disco show. On se balance bien sur le groupe à bas et on danse comme le peuple français. Voilà, on va terminer l'émission avec la vanne, et puis donc un petit goût après, tant qu'elle aime aussi la vanne. 15h55, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Mais je vous laisse avec, pour finir l'émission, d'autres morceaux de vals. Voilà. Donc, bien, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon après-midi avec l'accordéon. Qu'on se retrouve donc bien, dimanche prochain. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, bonne semaine, et je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. em Portugal Continental e na Madeira, menos uma nos Açores. Hora aprazada para o início destes jogos da Liga 3. Moncarapachense Caldas. Repórter Marco Fernandes vai acompanhar este encontro. Boa tarde, Marco. É, muito boa tarde. Partida quase a ter o seu pontapé de saída aqui na cidade de Olhão.